Rien dans la tête, bouffer de la com comme des bêtes à la recherche d'une bombe choisie avec la tête. Tous les lames à la place, négro, faut que tu tasses. Agis comme un bâtard, négro, faut que tu casses. On est là pour s'amuser, pas besoin de brutaliser. Les meufs sont là pour nous teaser. Tous les négros sont agités, je demande que je sais poser. Je reste posé, oh. Laisse-moi m'amuser un peu, laisse-moi profiter un peu. Laisse-moi profiter de cette soirée, car ça pourrait être ma dernière. Laisse-moi m'amuser un peu, laisse-moi profiter un peu. Laisse-moi profiter de cette soirée, car ça pourrait être ma dernière. Ce soir c'est la fête, et on boit jusqu'au matin, yeah. Ce soir c'est la fête, y'a plus rien à foutre des autres. Laisse-moi m'amuser un peu, laisse-moi profiter un peu, laisse-moi profiter cette soirée, car ça pourrait être ma dernière. Oh. Laisse-moi m'amuser un peu, laisse-moi profiter un peu, laisse-moi profiter cette soirée, car ça pourrait être ma dernière. Ma dernière, ça pourrait être ma dernière. Ma dernière, ça pourrait être ma dernière.